الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم أما بعد الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما حديث numéro 39 Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah m'a accordé qu'il fera preuve de mansuétude à l'égard de ma communauté lorsqu'elle pêche par erreur, oubli ou contrainte. » Le hadith est Hassan, donc ça c'est la parole de l'imam Nawawi, rapporté par Ibn Majah, al-Bayhaqi et d'autres encore. هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدل على سعة رحمة الله جل وعلا حيث تجاوز عن هذه الأمة عن كل ما هو فوق طاقتهم وقدرتهم لأن الله تبارك وتعالى لو أخذ الناس بما يرتكبونه خطأ ونسيانا وتحت الإكراه لكان هذا الأمر في غاية الصعوبة أنت تفعل شيئا نسيانا فالله عز وجل يحاسبك عليه يوم القيامة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر إن هذا الدين يسر و يعني الأخذ بالخطأ والنسيان والإكراه مخالف لهذا اليسر هذا اليسر ومناف له يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي يعني عفى الله سبحانه وتعالى ورفع إثم من ارتكب شيئا خطأ ونسيانا وتحت الإكراه والخطأ يعني معروف وهو أن تفعل شيئا من غير عمد يعني لا تتعمد شيئا فتفعله والنسيان هو الذهول عن الشيء والإكراه هو أن يلزمك أحد بما لا تريده بما لا تريده هذا هو الإكراه إذن من فعل شيئا خطأ ونسيانا ومكرها فلا إثم عليه فلا إثم عليه ولكن هذا لا ينفي أن يجب على مرتكب هذا الفعل الضمان لو أتلفت شيئا خطأ ونسيانا عليك الضمان مفهوم؟ لو أخطأت وأتلفت هذا الجهاز مثلا هل أقول لصاحبه يعني أخطأت سامحني؟ لا علي أن أعوده يعني جهازا آخر أو مثله في القيمة لو أتلفت يعني شيئا ظننت أنه لك ثم تبين أنه لغيرك ماذا عليك؟ ها؟ الضمان عليك الضمان ولكن لا إثم عليك لا إثم عليك ولكن عليك الضمان لأن العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى مبنية على العفو والرحمة فالله عز وجل غفور رحيم أما العلاقة بين بني آدم مبنية على المشاحة وعدم المسامحة ولهذا إذا أتلفت شيئا ولو بالنسيان ولو بالخطأ عليك أن تعوض ما أتلفته مفهوم ولكن لا إثم عليك. بالنسبة للخطأ والنسيان هما مذكوران في كتاب الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الله عز وجل لا يؤاخذ الناس بالخطأ والنسيان. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما يعني أنزل هذه الآية من أواخر سورة البقرة قال إني قد فعلت يعني لا أؤاخذهم بالخطأ ولا بالنسيان. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك بالنسبة للأحاديث النبوية ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. دل ذلك أن الله عز وجل لا يؤاخذه على خطئه بل يثيبه لأنه أهل للاجتهاد. من كان أهلا للاجتهاد فلو أن يجتهد في أحكام الدين وإن أصاب فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد فقط. وبالنسبة للإكراه يقول الله سبحانه وتعالى من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من كفر من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية الكريمة من سورة النحل نزلت في شأن صحابي جليل وهو عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وهذا كان من أوائل الصحابة الذين أسلموا في مكة وكان كفار قريش يعذبونه على أن يترك دين محمد وكان يصبر رضي الله عنه وكان يعذب ويؤذى أذى شديدا ولكن مع ذلك كان يصبر. ويوما من الأيام أن عذب تعذيبا شديدا ولم يتحمل هذا التعذيب وهذا الأذى والمعذبون طلبوا منه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذكر آلهتهم بخير ففعل رضي الله عنه يعني استجاب لمطالبات المشركين فسب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركه يعني مع ذلك كانوا أصحاب وفاء كانوا على الكفر لكن كان فيهم العرب كان فيهم يعني وفاء إذا وعدوا لك بشيء فإنهم يفون بما وعدوا فتركوا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءك معنى ماذا حصل لك. فقال شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك كيف تجد قلبك بعد فعلتك يعني تلك. فقال عمار رضي الله عنه مطمئن بالإيمان يعني قلبي مطمئن بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد يعني إن عذبوك مرة أخرى فافعل ما طلبوه منك ما دام قلبك مطمئنا بالإيمان. دونك لو حديث le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé il fait preuve de mansuétude, c'est-à-dire qu'il ne châtie pas celui de sa communauté qui pêche par erreur ou par oubli ou par contrainte. Donc ça nous prouve l'immense bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grande miséricorde. Et également le fait que cette religion n'impose à personne ce qui est au-dessus de sa capacité. Car si Allah subhanahu wa ta'ala nous tenait grief de ce que nous faisons par oubli ou par erreur ou par contrainte, cela serait au-dessus de la capacité humaine. Tu commets un péché par oubli ou par erreur et au Al-Qiyamah tu trouves ce péché dans ton registre. Ce voudrait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait imposé aux hommes une chose au-dessus de leur capacité. Allah subhanahu wa ta'ala dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à personne une chose qui est au-dessus de sa capacité. Et donc l'erreur, donc c'est lorsque la personne fait quelque chose non intentionnellement. Donc ça c'est l'erreur. L'oubli, donc c'est lorsque l'on oublie, c'est très clair en français. Et la contrainte, donc c'est lorsqu'une personne nous oblige à faire quelque chose que l'on ne veut pas faire. C'est ça la contrainte. L'erreur et l'oubli et également la contrainte ont été cités dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. À la fin de surat Al-Baqarah, donc les croyants, ils disent Ô Seigneur, ne nous châtie pas pour ce que nous avons fait par oubli ou par erreur. Et dans le hadith sahih, dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah, il dit, après avoir entendu les croyants dire cela, qad fa'alt, c'est-à-dire je l'ai fait, c'est-à-dire je ne châtirai pas pour ce qu'ils ont fait par erreur ou par oubli. Et également dans Al-Bukhari wa Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit idha ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idha ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Lorsque le dirigeant ou bien le savant fait un ijtihad, c'est-à-dire qu'il réunit toutes ses forces pour donner un statut religieux ou bien un avis religieux, surtout sur lequel il n'y a pas de texte, il aura alors deux récompenses. S'il a atteint la vérité, il aura deux récompenses. Et s'il fait la même chose mais qu'il se trompe, il aura une seule récompense. Bref, dans les deux cas, cette personne est récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala et dans aucun cas, elle n'est punie du fait que l'erreur est Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas grief aux musulmans de ce qu'il fait par erreur, même si c'est un péché. Et l'ikra, la contrainte, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Allah, il dit, celui qui mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala après avoir cru, إلا من أكره, sauf celui qui est contraint, donc à mécroire. Il a man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, alors que son cœur est apaisé par la foi. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran, contrairement à celui dont le cœur se remplit de mécréance, fa alayhim ghadabu min Allah wa lahum 'adhabun 'azim. Il aura la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et un châtiment énorme. Bref, Allah subhanahu wa ta'ala, il permet à la personne de commettre une mécréance sous la contrainte. Admettons, la personne est torturée ou bien sous une contrainte et qu'on lui demande par exemple de faire une chose qui est considérée comme une mécréance, comme insulter Allah subhanahu wa ta'ala ou insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien souiller le Coran ou des choses comme ça, c'est une mécréance. Mais si c'est fait sous la contrainte, la personne n'aura commis aucun péché. Et on va expliquer c'est quoi la contrainte. C'est pas une petite contrainte. Ce verset de sourate An-Nahl, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'affaire de Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir fait partie des premiers compagnons radiyallahu anhum qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme cela a été le cas au début de l'islam, les associateurs torturaient les musulmans afin qu'ils renoncent à leur foi. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, un jour, ils l'ont torturé et ils lui ont dit que s'il insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et disait du bien sur leur divinité, il le laisserait. Et la torture était tellement forte ce jour-là qu'il n'a pas pu supporter cela. Et il a alors répondu à leur demande. Il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a mentionné leur divinité en bien, en vantant leur divinité. Lorsqu'il a fait cela, ils l'ont laissé partir. Car ils étaient honnêtes. Le fait qu'il lui avait promis, ils l'ont laissé partir. Il s'est tout de suite rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a alors dit, que t'est-il arrivé? Il a dit, un grand mal au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, un grand mal au prophète, les associateurs ne m'ont pas laissé jusqu'à ce que je t'insulte et que je mentionne, ou bien je cite du bien, sur leur divinité. Le prophète lui a alors demandé, comment est ton cœur? Après avoir fait cela, comment est ton cœur? Il lui a dit, montre-moi innun bil iman, c'est-à-dire apaisé par la foi. Le prophète lui a alors dit, fa'in aadu fa'ud. Et s'il recommence et te retorture afin que tu m'insultes ou bien que tu mentionnes leur divinité en bien, refais la même chose car tu as fait cela sous la contrainte. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux musulmans de commettre la mécréance qui est le plus grand des péchés sous la contrainte, les autres péchés à plus forte raison, soit le fait de boire ou bien de voler ou bien toute autre chose. Al-khata wa al-nisyan. Ala al-insan an yufarriqa bayna al-khata wa al-nisyan fi al-manhiyat wa al-khata wa al-nisyan fi al-ma'murat. Fa inna al-khata wa al-nisyana yunazzilani al-ma'dum أو ينزلان الموجود منزلة المعدوم. ما معنى هذا الكلام؟ إذا فعلت شيئا كأن لم يكن. إذا مثلا شربت نسيانا في رمضان كأن لم يكن شيء. إن مثلا شربت خمرا خطأ كأن لم تشرب شيئا. مفهوم؟ فالموجود يصير معدوما ولكن الخطأ والنسيان لا يردان المعدوم موجودا. مفهوم هذا؟ مثلا شخص صلى من غير وضوء نسيانا، هل يقال له ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا صلاتك صحيحة؟ لا، لابد أن يتوضأ ويعيد هذه الصلاة التي صلاها بدون وضوء. فالخطأ والنسيان لا يردان المعدوم موجودا ولكن يصير الموجود يعني معدوما بالخطأ والنسيان. إذن قلنا من نسي الوضوء فلا بد أن يتوضأ ويعيد الصلوات التي صلاها من غير وضوء. من نسي التسمية عند الذبح فما الحكم؟ طيب الآن ونسي إذن التسمية غير موجودة قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق جمهور العلماء يقولون أنه يأكل وذهب بعضهم أنه لا يأكل وإن نسي ذلك لأن التسمية ركن من أركان الذبح منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن من نسي التسمية على الذبح نسيانا فإنه لا يأكل من هذه الذبيحة من صلى وهو حامل نجاسة نسيانا أو خطأ ما حكم صلاته صحيح دليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وهو لابس نعليه فالصحابة رضي الله عنهم صلوا خلفه وهم لابسون نعالهم أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فالصحابة رضي الله عنهم من شدة اقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا مثل ما فعل فنزعوا نعالهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال لهم ما حملكم على فعلكم هذا فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني في صلاتي فأخبرني أن فيهما قذرا أو أذى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يعني نزع نعلي الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد صلاته ولا الجزء الذي صلاه وهو متلبس بنجاسة مفهوم؟ فمن يعني صلى وهو حامل نجاسة مثلا على ملابسه وذلك بنسيان فلا شيء عليه من تكلم في الصلاة نسيانا أو خطأ طيب كما تعلمون الكلام من نواقض الصلاة من تكلم في صلاته بكلام خارج عن ما يقال في الصلاة فصلاته باطلة ولكن لو تكلم شخص خطأ أو نسيانا فما حكم صلاته صلاته صحيحة ثبت في صحيح مسلم أن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال ماذا قال معاوية قال له يرحمك الله هو في الصلاة فرماه الناس بأبصارهم الناس نشفوا فيه كأنهم يعني ينكرون عليه بأبصارهم فلما رآهم ينظرون إليه فقال لهم والثكل أمياه ما لكم تنظرون إليه هو زاد لا يرحمك الله فما لكم تنظرون إليه فلما تكلم المرة الثانية ضربوا بأيديهم على أفخاذهم هكذا يريدون أن يسكتوا فلما فهم ذلك سكت رضي الله عنه فيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته يعني أتاه صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيدي ما رأيت معلما خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني إنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي الصلاة إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه أن يتكلم خطأ إنه لم يكن يعرف حكم الكلام في الصلاة من أكل أو شرب في نهار رمضان ماذا عليه؟ صيامه صحيح ولا شيء عليه على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في يوم صيامه نسيانا فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه إنما أطعمه الله وسقاه. هناك خلاف في المجامع نسيانا من جامع يعني زوجته يعني نسيانا وظاهر أن من فعل ذلك لا شيء عليه كذلك لأن الله عز وجل لا يؤاخذ بالنسيان. من نسي صلاة من نسي صلاة لابد أن يأتي بها ولا إثم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري. Donc الله سبحانه وتعالى il fait preuve de mansuétude à l'égard de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elle pêche par erreur, oubli ou contrainte. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'erreur et l'oubli, ils rendent une chose qui a eu lieu comme si elle n'avait pas eu lieu. Mais une chose qui n'a pas eu lieu, l'oubli et l'erreur ne la rendent pas comme si elle avait eu lieu. Donc je vais expliquer. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre l'erreur et l'oubli dans les interdictions. La personne, elle commet une interdiction par oubli ou par erreur, c'est comme si elle n'avait pas eu lieu. Mais dans les obligations religieuses, si la personne oublie une obligation, il faut absolument qu'elle l'accomplisse, mais elle n'aura aucun péché. C'est-à-dire, la personne qui, par exemple, oublie de faire ses ablutions et fait la prière. Peu de temps après, elle se rend compte qu'elle a fait la prière sans ablution. On ne lui dit pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera preuve de mansuétude à l'égard de ma communauté lorsqu'elle pêche par erreur ou oubli. Non, il faut qu'elle refasse ses ablutions et qu'elle fasse les prières ou la prière qu'elle a faite sans ablutions. Également, le fait de dire Bismillahi au moment de sacrifier. Donc c'est une obligation. Certains même ont dit que c'était un pilier du sacrifice, le fait de dire Bismillah. La plupart des savants disent que celui qui oublie de dire Bismillah, son sacrifice est licite, halal, et il peut en manger. Et certains savants ont dit qu'il ne pouvait pas, parmi eux, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Celui qui fait la prière par oubli ou bien par erreur, et sur ses vêtements, il y a une impureté. Par exemple, de l'urine ou bien toute impureté, najasa. Sa prière est valable. Mais il faut absolument qu'il retire cette impureté lorsqu'il s'en rend compte. Par exemple, s'il s'en rend compte en plein milieu de la prière, s'il continue à faire sa prière alors qu'il s'en est rendu compte, sa prière, elle est nulle. S'il finit sa prière et qu'il s'en rend compte après la prière, sa prière, elle est valable. Mais s'il s'en rend compte en plein milieu de la prière, il faut absolument qu'il enlève ce vêtement sur lequel il y a cette impureté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a fait la prière avec ses compagnons et il avait mis donc des chaussures. Il faisait la prière avec ses chaussures et ses compagnons donc étaient derrière lui, également chaussés. Et en plein milieu de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retiré ses chaussures et les a posées à sa gauche. Les compagnons radiyallahu anhum, du fait qu'ils voulaient suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre leur imam pendant la prière, ils ont fait comme lui. Parce qu'ils ont vu cela, ils ont tous retiré leurs chaussures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de la prière, il leur a dit « Qu'est-ce qui vous a incité à faire cela ?» Ils lui ont dit « Nous t'avons vu retirer tes chaussures pendant la prière, nous avons fait comme toi. Le prophète leur a dit que Jibril alayhi salam lui est venu pendant la prière et il l'a informé qu'il avait sous ses chaussures donc une impureté. Donc c'est pour ça qu'il l'a retiré. Ce qui nous intéresse du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas recommencé la partie de sa prière qu'il a faite lorsqu'il avait donc ses chaussures. Du fait qu'il a fait ça, qu'il avait cette impureté par oubli ou bien par erreur. Donc comme on a dit, si la personne s'en rend compte après la prière, sa prière est valable. Mais si elle s'en rend compte en plein milieu de la prière, il faut absolument qu'elle retire ce vêtement comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si elle continue, tout en sachant que sur son vêtement il y a une impureté, sa prière est alors nulle. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa thiyabaka fatahir ». Également celui qui parle pendant la prière par oubli, ou bien par erreur, ou bien par ignorance. Car donc, comme vous le savez, parmi les choses qui annulent la prière, le fait de parler, sans divergence. Celui qui parle pendant la prière, sa prière est nulle. S'il dit une parole qui est en dehors des paroles que l'on dit pendant la prière. Mais si la personne fait cela par erreur ou par oubli ou par ignorance, sa prière est valable. Il y a un compagnon qui s'appelle Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, radiyallahu an. Un jour, il a fait la prière avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pendant la prière, il y a un homme qui a éternué. Muawiyah ibn al-Hakam lui a alors dit, « Yarhamukallah ». Les compagnons, radiyallahu anhum, l'ont tous regardé pendant la prière. D'un regard qui voulait lui dire le blâmer pour ce qu'il avait fait. Lorsqu'ils l'ont regardé, il leur a alors dit wa thukla ummiya, c'est-à-dire thakilatkum ummahatukum ma lakum tanzuruna ilayya. Il a dit que vos mères vous perdent, qu'avez-vous à me regarder. Donc il a parlé une deuxième fois. Lorsqu'il a parlé une deuxième fois, ils ont commencé à frapper sur leurs cuisses afin qu'ils se taisent. Lorsqu'il a compris qu'il voulait le faire taire, il s'est tu et il a continué sa prière. À la fin de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. Et il a dit Walladhi nafsi bi yadi ma ra'aytu mu'alliman khayran min. Il a dit par celui qui détient mon âme entre ses mains, je n'ai jamais vu d'enseignant meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne m'a ni insulté, ni frappé, ni détesté. Bref, si ça se passait ici, hein? Il m'a dit la prière n'est pas faite pour ce genre de paroles. La prière, c'est du tasbih, du takbir et la lecture du Coran. Ce qui nous intéresse dans le hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de refaire la prière. Celui qui mange ou boit par oubli ou bien par erreur pendant les journées du mois de Ramadan, son jeûne est valable et il n'a rien à rattraper. Il n'a rien à... Tous les ans, il y a des gens qui posent la question. J'ai bu par oubli ou bien... Non, le jeûne est valable car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui jeûne et par oubli boit ou mange pendant sa journée de jeûne, qu'il continue son jeûne car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri et abreuvé. Donc son jeûne est valable et il n'a rien à rattraper. Celui qui oublie une prière, alors peut-être la personne est tellement occupée qu'elle a oublié de faire la prière, ça peut arriver, elle doit absolument la rattraper. C'est pour ça qu'on a dit de faire la différence entre l'oubli dans les obligations et l'oubli dans les interdictions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit également celui qui dort au moment d'une prière ou oublie une prière, qu'il la fasse lorsqu'il s'en rappelle, la kaffarata lahu illa dhalik. Il n'a aucune compensation à donner à part cela. Et ensuite il a récité le verset de surat Taha où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimis salata li dhikri, c'est-à-dire accomplis la prière pour te rappeler de moi. الآن الإكراه. الإكراه هو أن يأتي شخص فيلزمك بفعل ما لا تريده هذا هو الإكراه. والإكراه لا يكون إلا في المنهيات، لا يكرهك أحد على الصلاة ولا الصيام، يكون في المنهيات. ومن ارتكب ذنبا تحت الإكراه فلا إثم عليه، كما قلنا أن الله عز وجل تجاوز عن قول الكفر وعن الشرك تحت الإكراه، فغير ذلك من الذنوب من باب أولى. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه الآية الكريمة من سورة النور نزلت في شأن عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. كان له جاريتان يكرههما على البغاء. شو معنى البغاء؟ الزنا. يكرههما على البغاء، يكون الزنا في مقابل المال. فالله عز وجل أنزل هذه الآية: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فلا إثم عليهما على هاتين الفتاتين، لأنهما يعني مكروهتين، مفهوم؟ أو مكرهتين. كذلك من أكره على شرب الخمر أو على غير ذلك من المعاصي فإن لا إثم عليه. إلا العلماء رحمهم الله يعني جوزوا ارتكاب المعصية تحت الإكراه إلا معصية واحدة. ما هي؟ لا هو لا لا الشرك، لا الشرك وقع في حق القتل. لو أكرهت على قتل أحد لا يجوز لك أن تقتله. لماذا؟ ها؟ لأنه ما بقاش إكراه ولا اختيار، لأنك يعني قتلته فداء لنفسك، مفهوم؟ قتلت هذا الشخص فداء لنفسك، فشخص سيموت في مقابل يعني حياتك. هذه الحالة لا يجوز لك أن تقتل شخصا حتى يعني تبقى أنت حيا، وإلا جميع الذنوب والمعاصي يعني تجوز ولا إثم عليها تحت الإكراه. والعلماء رحمهم الله ذكروا شروطا للإكراه: أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، مفهوم؟ أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدده به. طيب لو اتصل بك شخص من أقصى الدنيا وقال لك إن افعل كذا وكذا أو أقتلك، يجوز لك أن تفعله؟ لا يجوز. طيب شخص بعيد كيف سيفعل؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المكره عاجزا عن دفع هذا المكره. لو جاءك طفل صغير وهددك اشرب الخمر أو أضربك، طيب لا يجوز لك أن تفعل ذلك لأنك قادر على دفع هذا المكره. كذلك أن يكون هذا الإكراه مما يشق على المكره تحمله. طيب لو هددك بمثلا يعني كف في وجهك على أن تشرب الخمر، هل تشربها؟ لا تشربها، لا يشق على الإنسان يعني في الغالب تحمل ذلك، بخلاف لو هددك بالقتل أو بالتعذيب الشديد. هذا كذلك الشرط. وذكر العلماء يعني شروطا أخرى، ولكن هذه من أهم الشروط وهو ما ذكرناه. Donc, en ce qui concerne la contrainte c'est seulement en ce qui concerne les péchés, car la personne, on ne la contraint pas à accomplir une obligation. Mais la personne peut être contrainte à accomplir un péché. Comme c'était le cas pour Ammar, lorsqu'on lui a dit d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de citer les divinités des associateurs en bien. Donc la contrainte, ce serait qu'une personne vienne et nous oblige à faire quelque chose que l'on ne veut pas faire. Donc les savants, rahimahumullah, ils sont d'accord sur le fait que tout péché commis par contrainte n'est pas compté. Donc n'est pas compté et donc aucun grief n'est tenu par rapport à cela. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a permis la mécréance sous la contrainte, donc les autres péchés à plus forte raison. Et il y a un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Nour, wa la tukrihu fatayatikum ala albira, c'est-à-dire n'obligez pas ou bien ne contraignez pas vos fatayat, c'est-à-dire vos esclaves, ala albira, la prostitution, in aradna tahassunan, si elles veulent rester chastes. L'itabtaru arad al-hayat ad-dunya, tout ça pour pouvoir gagner des biens de ce bas monde. Wa man yukrihun, et celui qui les contraint, fa inna Allah min ba'di ikrahihin ghafur rahim. Allah, après donc cette contrainte, est miséricordieux et clément, c'est-à-dire qu'il ne tiendra pas grief à ces femmes qui sont contraintes à accomplir la prostitution, donc sous la contrainte. Ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car à son époque, donc à Médine, il y avait un homme célèbre qui s'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Salul. C'était le chef des hypocrites, et cette personne possédait deux esclaves qu'il contraignait à se prostituer. Donc sous la contrainte, elle se prostituait. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset pour montrer que donc ce péché ne leur était pas compté. Les savants rahimahumullah ont donné comme exception le meurtre. Par exemple, une personne, on lui dit soit tu tues un tel, soit je te tue. À ce moment-là, il est interdit aux musulmans de tuer cette personne. Car ce n'est plus de la contrainte, la personne a fait cela par volontairement. Du fait qu'en fait, elle a tué cette personne comme une. En échange de sa propre vie. En échange de sa propre vie, et cela est interdit. Également, il y a des conditions à la contrainte. Il y a beaucoup de gens qui parlent de contrainte, alors que ça ne rentre pas dans une contrainte. La première des conditions à la contrainte est que la personne, donc la personne qui contraint l'autre, est capable de mettre en application ce dont elle l'a menacé. C'est-à-dire la personne, elle est en capacité de mettre cela en application. La personne, elle vous dit, soit tu fais telle chose, soit je te torture, ou bien soit je te tue, ou soit je te fais telle ou telle chose. Il faut que la personne contrainte sache que cette personne est capable de mettre cela en application. Taïb. Demain, une personne, elle est en prison. On appelle en prison. On ne peut pas sortir. Ils appellent au téléphone, ils se disent bois de l'alcool ou bien je te torture ou bien je te tue. Moi, je sais qu'il en est incapable du fait qu'il est emprisonné. Donc à ce moment-là, je n'ai pas le droit de faire cela. La deuxième condition, que la personne contrainte soit incapable de repousser cette contrainte. Si demain, un enfant un bébé, ou bien, non, un enfant de 4-5 ans, il vient et me dit, bois de l'alcool ou bien je te torture. Ouais. En général, un adulte, il est capable de repousser cette contrainte d'un enfant. La troisième condition, que la contrainte soit une chose difficile à supporter. Par exemple, la torture. Ou bien le meurtre. Par exemple, on lui fait telle chose, ou bien je te tue. Mais si par exemple la personne dit bois de l'alcool, ou bien je te mets une gifle. Il est interdit de boire de l'alcool dans ce cas-là. Donc il faut vraiment que ce soit une chose qu'on ne peut pas supporter. Et donc il y a d'autres conditions, mais donc on va se concentrer de ces trois conditions là. ونكتفي بهذا وقد انتهينا من الحديث وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.